Sa beauté n'était pas dans ses narines. Sa beauté n'était pas dans ses narines. Elle était dans son puce l'âge tardif. Elle n'était sûrement pas dans ses narines. Il ne m'a pas touché grâce à ses coudes. Il ne m'a pas touché grâce à ses coudes. Il m'a touché par son célibat éternel. Oui, mais sûrement pas grâce à ses coudes. Ensemble nous combattrons tous ces chiers. Ensemble nous combattrons tous ces beaux gosses qui s'enchaînent les gonzesses comme des salauds et qui sentent bon et qui en plus sont